Avec moi aujourd'hui, Lydiane du service civique Solidarité Senior et Monsieur Livet de la maison de retraite du Châtelet à Remiremont. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Ça va ? Alors, on est ensemble pour parler du service civique et on va laisser tout d'abord la parole à Lydiane. On vous écoute. Bonjour, donc je suis Lydiane Perry, chargée de développement pour Service Civique Solidarité Senior. Et donc, j'interviens sur les Vosges. On vient de démarrer depuis le 1er juillet. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus généralement de ce que c'est que le service civique et quelle est la mobilisation Service Civique Solidarité Senior auprès dans les Vosges. Eh bien, on vous écoute. Donc, en fait, c'est une mobilisation nationale qui a pour objectif de développer massivement les services civiques auprès des seniors, tout en instaurant un socle qualité. Et ça, c'est né d'un constat qu'il y a en France 900 000 personnes âgées qui sont dans l'isolement. Et puis, l'expérience des premiers services civiques auprès des personnes âgées qui montre que 100% des personnes âgées sont satisfaites d'avoir des jeunes dans leur quotidien au présent. Et puis, à l'inverse, pour les jeunes, ils sont à 98% à avoir modifié leur image sur la vieillesse. Et puis, c'est évidemment un intérêt pour les structures qui peuvent enrichir leurs animations, apporter des plus au sein de leur organisation. Oui, pour les personnes âgées, ça leur donne un petit coup de jeune, en fait, peut-être d'avoir justement des jeunes qui s'occupent d'eux. Alors justement, parce que les services civiques, les missions qui leur sont proposées interviennent dans plusieurs façons. Donc il peut y avoir des animations collectives, donc que ce soit sur le bien-être, des jeux, etc. Ils peuvent faire des animations individuelles, par exemple pour les résidents qui ne peuvent plus sortir de leur chambre, alors que ce soit à domicile ou dans les structures type EHPAD. Et donc dans ce cas-là, ils vont faire de la lecture, leur faire écouter de la musique, simplement les faire parler, faire des jeux de mémoire, etc. Mais je laisserai Monsieur Livet développer plus particulièrement. Bien évidemment, avec ce qui s'est passé avec le Covid, il y a tout un accompagnement sur l'utilisation des outils numériques. Donc là, effectivement, les jeunes peuvent passer du temps à expliquer comment ils peuvent contacter leur famille, utiliser WhatsApp, la messagerie, etc. Et puis aussi, en période de Covid, qui n'est malheureusement pas terminée, appuyer les équipes de professionnels sur éventuellement la gestion. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils doivent de toute façon être environ à 80% auprès des personnes âgées. Donc là, ce type de service civique, ça ne sera vraiment pas pour faire que de l'administratif ou quoi. C'est vraiment travailler sur la relation humaine avec les équipes de professionnels, mais surtout auprès des personnes âgées, vraiment dans le concret. Ça a l'air très, très intéressant. Et justement, à la maison de retraite du Châtelet, vous proposez deux postes de service civique, hein, c'est bien ça ? Tout à fait. Deux postes de service civique parce que nous souhaitions effectivement élargir les possibilités d'accompagnement des personnes âgées dans leur quotidien sur le plan de la vie sociale et également ayant l'expérience de service civique dans mon précédent établissement, je souhaitais effectivement pouvoir accueillir des jeunes, leur dresser un panorama aussi de ce que c'est que la vie en établissement, de ce que l'on peut développer et ouvrir le champ des possibles, puisque c'est une découverte aussi, découverte de la vieillesse, découverte du monde du soin, de l'accompagnement. Et par expérience, je trouve que c'est un moment enrichissant pour le jeune, qui des fois ne sait pas vers quoi aller ou qui va conforter effectivement une direction pour son projet professionnel. Et puis c'est une expérience de vie et je sais que moi, dans les recrutements que je fais, quand il y a un parcours, un passage en service civique, c'est aussi un atout pour le jeune. D'accord. Et dans ces postes de service civique, quelles missions auront ces jeunes ? Donc, ce sera de l'accompagnement soit en individuel, soit en collectif, dans le cadre de la vie sociale. Ça peut être des animations, ça peut être simplement de l'écoute, du partage. Et effectivement, aussi de l'accompagnement, comme l'a dit Liliane, de l'accompagnement aussi à l'utilisation des outils numériques, puisque c'est... La pandémie nous est tombée dessus avec les contraintes d'isolement, de confinement et les difficultés de communication avec effectivement les familles, les entourages proches. Et est-ce que ces jeunes qui vont postuler pour les postes de service civique doivent avoir un diplôme en particulier ou pas du tout ? Alors, pas du tout. Pas du tout. L'intérêt, c'est justement, ils peuvent avoir un diplôme, mais l'intérêt, c'est effectivement de permettre à des jeunes de découvrir un domaine qui leur est souvent étranger, de découvrir aussi des professionnels, de faire des rencontres et effectivement, ben, peut-être de trouver des pistes qui seront pas nécessairement dans ce domaine-là, mais de trouver des pistes, de se conforter aussi dans la vie, voilà, de vraiment de travailler dans la relation, sachant que, bien entendu, l'établissement s'engage à accompagner ces jeunes dans leurs projets. Oui, ils ne sont pas tout seuls. Oui, allez-y, Liliane. Juste pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Monsieur Livet, très bien. Justement, c'est tout l'intérêt du service civique. C'est qu'on est vraiment sur le recrutement sur la motivation du jeune. On n'est ni sur les qualifications, ni sur l'expérience. Donc, c'est pour ça que c'est une vraie richesse, parce que ça crée une possibilité de mixité. Nous, notre rôle à SC2S, c'est justement aussi de veiller qu'il y ait ce recrutement uniquement sur la motivation. Alors, comme on est auprès des personnes âgées, évidemment, les structures vont être vigilantes au fait de recruter des jeunes qui sont dans l'empathie, déjà dans l'écoute, qui ont déjà ces qualités d'être. Mais voilà, c'est vraiment tout l'intérêt. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a un impact social, puisque justement, on va viser cette mixité qui va être aussi bien, par exemple, d'avoir un jeune qui va avoir, par exemple, 17 ans et un jeune qui a 25 ans, donc la maturité n'est pas forcément la même, qui peuvent être dans un environnement différent, un qui vient des villes, l'autre il vient plutôt du rural, de cultures d'origine différentes, etc. Et ça crée vraiment une richesse, y compris pour les personnes âgées, puisque, par exemple, sur des ateliers cuisine, quand on a des jeunes qui sont d'une culture différente d'origine, et c'est très enrichissant, elles peuvent apporter des idées de recettes qu'elles font avec les personnes âgées, etc. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre qu'on est vraiment sur ce critère de motivation exclusivement. Tout le monde apprend de tout le monde. Les jeunes vont apprendre des plus âgés et les plus âgés vont également apprendre des jeunes. Et c'est vrai que c'est enrichissant. Et avec la période qu'on vit depuis maintenant un an et demi, hein, oui, c'est ça, à peu près. Voilà, cette solidarité, on sent qu'on en a encore besoin. Et c'est vrai que nos personnes âgées ont été beaucoup isolées. Lors des différents confinements, même encore peut-être certaines, on n'ose pas aller peut-être rendre visite à papy-mamie. Et donc voilà, c'est vrai que c'est bien d'aller vers nos anciens. Je vais en profiter également juste pour rappeler un petit peu quels sont les critères des jeunes pour le coup, parce que c'est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans. Alors pour les personnes qui sont reconnues en situation de handicap, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Les contrats proposés sont, alors dans le service civique en général, c'est de 6 à 24 mois. Dans le cadre de service civique solidarité senior et en tout cas avec les pattes du Châtelet, on est sur des contrats en général de 6 à 8 mois. Hein. Et ça peut aller de 24 à 35 heures. Ce qui est très important pour rassurer le jeune, c'est que déjà, ils vont travailler obligatoirement en binôme. Donc là, Monsieur Livet va accueillir obligatoirement deux jeunes dans l'établissement. Et l'intérêt, c'est que déjà, ils vont pouvoir se soutenir entre eux, travailler auprès des personnes âgées. Quelquefois, ça peut être un petit peu difficile. Enfin, il y a la maladie, il peut y avoir des décès, etc. Donc déjà, ils se soutiennent. Ils apprennent à travailler en équipe. Ils apprennent à travailler aussi avec les professionnels. Donc ça, c'est pour les rassurer. Et puis, alors, ils sont rémunérés. Enfin, alors, on ne va pas parler de rémunération. On va appeler ça une prestation de compensation qui peut aller de 580 € par mois. Ça sera de toute façon le minimum. Donc, 473 € par l'État et 107 € par la structure. Et puis, dans certains cas, par exemple, les étudiants boursiers ont droit à 107 € supplémentaires. Dans tous les cas, il faut qu'on vérifie. Donc, voilà, ils ont cette rémunération-là pendant toute la durée de leur service civique. D'accord. Et les jeunes qui nous écoutent, s'ils veulent postuler, ils vous contactent comment ? Alors, ils contactent par le biais du site de service civique. Et donc, dans un premier temps, il y aura un échange avec l'association Service Civique Senior qui fera un premier entretien. Ensuite, des entretiens seront faits sur le site du Châtelet. D'accord. Donc, en tout, les jeunes peuvent s'attendre à avoir 2 entretiens. Alors, en fait, à partir du moment où ils postulent sur le site, dans un premier temps, je les contacte par téléphone pour déjà faire un premier point. Est-ce qu'ils sont vraiment disponibles sur la durée 6 à 8 mois? Est-ce qu'ils ont déjà un petit peu une idée de projet? Est-ce qu'ils ont un moyen de locomotion s'ils sont d'un village plus éloigné que Remiremont? Faire un petit peu un point, en fait. Hein. Et suite à ça, en fait, on va organiser avec Monsieur Livret donc, une réunion où on va leur expliquer, parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais en fait, on a tout un parcours d'accompagnement, alors à la fois par la structure qui met en place des tuteurs, et à la fois nous qui proposons un socle de formation. Donc, il y a la formation obligatoire du service civique, donc qui est la formation civique et citoyenne et le PSC1, donc c'est les premiers secours. Donc ça, c'est obligatoire dans tout service civique. Nous, on va plus loin. Parce qu'en fait, on propose une formation, ce qu'on appelle préparation à la mission. C'est-à-dire, tout au début de leur mission, ils vont avoir des petites formations sur, sur la vieillesse, l'isolement des personnes âgées. Ils vont aussi avoir, on va leur parler, et ce qui va aussi intéresser la structure pour la suite du service civique, des formations et des métiers lié au grand âge, puisque l'idée aussi, c'est peut-être de créer des vocations dans ce secteur qui est quand même en tension. Donc les jeunes, ils vont avoir cette préparation à la mission. Ils vont avoir des échanges de pratiques, 3 échanges de pratiques pendant toute leur mission avec d'autres jeunes, d'autres structures. Donc ça leur permet d'échanger, justement. Ils vont avoir à la fin donc un bilan intermédiaire et un bilan final qu'on va faire avec les tuteurs. Et puis, à la fin du service civique, ils vont avoir l'opportunité de participer à un forum régional qui va aller faire rencontrer des professionnels, assister à des webinaires, etc. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore s'il va être en présentiel ou en distanciel. L'année dernière, il était en distanciel. Mais en tout cas, voilà, ce forum régional permet vraiment de créer des opportunités pour eux. Et surtout, ce qui va être important, c'est qu'ils vont aussi avoir un accompagnement sur le projet personnel ou professionnel. Donc là, c'est vraiment la structure qui va s'en charger, même si nous, on pratique des ateliers. C'est-à-dire que le tuteur, il va par exemple travailler sur un projet personnel qui va par exemple juste de passer le permis de conduire. Pour certains jeunes, c'est ce qui va les aider dans leur futur parcours. Pour d'autres, ça va être peut-être qu'ils ont le projet de partir en humanitaire un an à l'étranger. Et puis sur du professionnel, donc après c'est accompagner leur parcours. Alors on ne demande pas aux tuteurs d'être des accompagnateurs socio-professionnels. Il y a la mission locale qui fait ça très bien. Ils vont juste orienter le jeune vers des dispositifs qui sont adaptés pour eux. Et nous, on assure également une formation pour les tuteurs dans la structure. Ben, c'est oui, parfait. Et par ailleurs, bien entendu, la structure ouvre ses formations continues aux jeunes services civiques. Voilà. Alors, c'est orienté, bien entendu, sur tout ce qui est vieillesse, accompagnement des personnes désorientées, etc. Mais systématiquement, toute formation continue qui se déroule durant la période de service civique, nous proposons aux jeunes en service civique de participer à ces formations. D'accord, c'est parfait, c'est bien complet. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Juste, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop dit. En fait, l'EHPAD du Châtelet est vraiment la première des Vosges à avoir signé la convention de collaboration avec SC2S. Donc, on en est vraiment très content. C'est un beau challenge qui va démarrer, j'espère, beaucoup d'autres services civiques sur les Vosges. Donc, surtout si les structures veulent nous contacter, que ce soit aide à domicile ou type EHPAD, voilà, il ne faut pas hésiter non plus. On vérifie juste l'éligibilité s'ils peuvent avoir des services civiques. Et en fait, l'idée, c'est que nous, on leur, entre guillemets, met à disposition l'agrément SC2S pour pouvoir accueillir des services civiques. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup à tous les deux et j'espère que vous aurez beaucoup de candidatures pour ces deux postes de service civique. Nous l'espérons. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Les coordonnées d'SC2S sont les suivantes. L'adresse mail, c'est grand-du6est@sc-du6solidaritéseniortoutattaché.fr. Le site internet, c'est www.service-du6civique.gouv.fr. Le mot-clé, c'est SC2S. Ou encore le site internet www.sc-du6solidaritéseniort.fr.